Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Pensez l'histoire de l'Afrique avec François-Xavier Fauvel. Il y a des personnes qui disent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Je ne sais pas ce qu'elles ont en tête à ce moment-là. C'est une conception que je n'arrive pas à explorer. Je devine qu'elle a un rapport avec l'idéologie raciste qui s'est développée à l'époque moderne pour justifier l'esclavage des Noirs. Et avec une conception, elle aussi assez récente de l'histoire, comme providence. Certaines sociétés la recevraient, d'autres non. Ainsi commence Penser l'histoire de l'Afrique de François-Xavier Fauvel, historien, archéologue, titulaire de la chaire d'histoire et archéologie des mondes africains au Collège de France. Une histoire d'hommes, de femmes, une histoire avec de la chair donc, une histoire incarnée par l'historien déjà. François-Xavier Fauvel, bonjour. Bonjour. Au moment d'écrire Penser l'histoire de l'Afrique, il y a toujours ce paradoxe autour de l'Afrique, c'est un continent, mais vous le dites tout de suite dans le livre, les distances sont gigantesques. Il y a mille histoires en Afrique, des peuples, des destins différents. Quels sont les points communs à l'histoire de l'Afrique? Quelle est cette idée majeure qui vous semble importante sur l'histoire de l'Afrique? Alors, vous avez raison d'abord de rappeler que l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique c'est un continent dans lequel on pourrait faire rentrer plusieurs des autres continents. C'est donc un continent de la diversité. Et il faut commencer par là. C'est un continent d'une formidable diversité. Bon. Commençons par rappeler aux auditrices et aux auditeurs que 2500 langues sont parlées en Afrique. Bon, en Europe, c'est 45 ou 50 langues qui sont parlées. Donc la proportion est la différence est vertigineuse. Bon. Donc ça ne fait pas un point commun aux différentes sociétés, aux différentes civilisations qui ont pris place, qui se sont développées en Afrique. Mais cette diversité des sociétés africaines est histoire. Elle n'est rien d'autre qu'histoire. Hein. 2500 langues, ça n'apparaît pas comme ça. Ça n'apparaît que parce qu'il y a une très très longue histoire de diversification. Bon. Et cette très très longue histoire de diversification, elle nous dit quelque chose de l'histoire des sociétés africaines depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis des dizaines de millénaires. Elle nous dit quelque chose de très très singulier qui ne s'est pas passé ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre à la fois cette diversité des sociétés africaines, cette très très grande singularité qui fait que sur ce continent, quelque chose s'est passé qui ne s'est pas passé ailleurs. Mais qui est toujours en relation avec l'ailleurs. C'est ça qui est intéressant dans l'importance d'étudier l'histoire de l'Afrique, c'est qu'elle permet de comprendre le ailleurs, c'est-à-dire tout simplement nous. Absolument. L'histoire de l'Afrique, c'est non seulement intéressant pour l'histoire de l'Afrique, c'est intéressant pour l'histoire des sociétés africaines et de ce qu'on y apprend. On y apprend des choses formidables. Enfin, c'est pas rien l'Empire du Mali au Moyen-Âge, c'est pas rien le Royaume d'Éthiopie chrétien, c'est pas rien la coexistence des chrétiens et des musulmans pendant 1300 ans dans la Corne de l'Afrique ou dans d'autres régions. C'est pas rien la coexistence entre des religions traditionnelles et l'islam. C'est pas rien le Grand Zimbabwe, c'est pas rien tout ça. Donc tout ça, c'est formidablement intéressant. Et en même temps, en effet, les trajectoires des sociétés africaines non seulement nous procurent de l'intérêt, non seulement enrichissent la perception des différents passés et des différentes trajectoires de l'humanité, mais en même temps, elles rendent aussi par écart plus intéressant de ce qui s'est passé dans le reste du monde. Bon. Et il est intéressant de repenser, je sais pas moi, l'histoire des royaumes médiévaux européens à la lumière des royaumes médiévaux africains. C'est aussi intéressant. Et puis dans cette étude, mais je parle de manière générale, celle de l'historien, de l'historienne face à l'Afrique, il y a un paradoxe sans nom que vous soulignez. Dire que l'histoire de l'Afrique doit s'étudier comme toutes les histoires, celle de l'Europe, est une chose. Dire qu'il y a une singularité de l'histoire africaine en est une autre. Mais dans les deux cas, vous êtes un peu perdu. Oui. C'est ça qui est vraiment passionnant avec ce penser l'histoire de l'Afrique. Oui, en fait, on est toujours un peu coincé. On est coincé entre deux bords quand on est historien ou historienne de l'Afrique. D'un côté, c'est affirmer l'originalité, hein, c'est dire c'est original, c'est singulier, c'est intéressant d'étudier l'histoire de l'Afrique. Mais en disant ça, on est souvent accusé de folkloriser l'histoire de l'Afrique. Bon. Et puis de l'autre côté, c'est de banaliser, c'est de dire mais en fait, vous savez, être historien de l'Afrique, c'est pas très très différents. Ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes genres de documents, ce sont les mêmes genres de questions qu'on se pose. C'est comment mettre bout à bout des pièces d'un puzzle. Bon, mais en banalisant, on peut être de la même façon accusé inversement de banaliser précisément et de mettre sous le tapis la singularité. Bref, on est obligé de balancer entre ces deux bords-là, et en même temps, pourquoi pas, enfin je veux dire, il faut le faire et puis tout simplement dire voilà, c'est à la fois extrêmement banal, c'est un domaine très banal de l'histoire, mais dire ça est déjà très original parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre qu'il y a une histoire en Afrique et qu'elle est intéressante. Et puis de l'autre côté, ne pas hésiter à dire que en effet, être historien de l'Afrique, c'est pas tout à fait la même chose qu'être historien ou historienne d'une autre région, parce que ça ne pose pas tout à fait les mêmes défis, parce que la documentation n'est pas complète, parce que jouer à ce puzzle qu'est le passé des sociétés africaines nous oblige à concevoir une histoire qui n'est jamais tout à fait finalisée, c'est-à-dire que mettre bout à bout les pièces de ce puzzle est un jeu là dans lequel des différents scénarios sont possibles. J'en donne plusieurs exemples dans le livre, par exemple à propos de la capitale du Ghana du 11e siècle. Là, c'est que différents scénarios sont possibles qui sont tous également intéressants. Bien, justement, on va faire un petit tour au Ghana parce que cette histoire de l'Afrique est une histoire de diversité. Cité comme une évidence, et vous l'avez dit, il y a tant de peuples, tant de langues, et puis le continent est gigantesque, peut s'étudier à partir de cas, et ces cas vont permettre une réflexion plus globale. Allez, nous partons au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana, royaume de l'or, avec la participation du professeur Ibrahim Babakaké et de Barthélémy Hello. Les deux Ghana, le Ghana, la République actuelle, et le Ghana primordial, ont une certaine identité, c'est l'or. Mais le Ghana, qu'est-ce que c'est? Je répondrai à cette première question en disant que selon El Bekri, notre témoin le plus précieux sur Ghana, que ce terme de Ghana, c'est à la fois un empire, c'est aussi une ville, mais surtout, d'après El Bekri, c'est un titre. Et ce titre du roi de l'Empire a été porté à la fois par l'Empire et par la ville. Dans l'émission Présence africaine, enfin Mémoire d'un continent sur cette histoire africaine, RFI, c'était en 1973, ce mot Ghana complexe qui est à la fois un territoire, une ville et un titre. François-Xavier Fauvel, dans Penser l'histoire de l'Afrique, vous répondez à une question qu'on se pose tous, parce que nous, on adore les chronologies, hein, avec un début, une fin, une succession de souverains, des dynasties. Vous dites, c'est peut-être pas si important que cela. Non, alors effectivement, moi aussi j'aime bien les chronologies, moi aussi j'aime bien les sources, j'aime bien la documentation, j'aime bien les matérialités, je fais de l'archéologie, j'aime bien les rois et les reines, enfin bon voilà, et il y a pas de raison, enfin j'ai pas de scrupules, hein, j'aime bien tout ça. Bon. Et en même temps, parfois il faut bien admettre que c'est un peu plus compliqué. Bon. Et là, c'est un peu plus compliqué. Comment ferions-nous de l'histoire de l'Europe des 10e 11e, 13e siècle si nous n'avions que des sources arabes extérieures et pas de sources produites dans le royaume carolingien. Bon. Eh bien, nous ferions comme on fait en histoire de l'Afrique. Et il faut être très imaginatif. Les historiennes et les historiens de l'Afrique, en Europe, en Amérique, sont très imaginatifs. Parce qu'on peut se débrouiller avec des sources arabes extérieures. On peut se débrouiller avec des chroniques produites localement, mais plus tardivement. On peut se débrouiller avec des sources orales. On peut se débrouiller avec de la toponymie. On peut se débrouiller avec de l'histoire des langues. On va se débrouiller avec toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces choses-là? On va d'abord identifier les pièces du puzzle. Et ces pièces du puzzle, on va en faire des documents, on va les éditer une par une. On va faire ça avec des sources arabes, on va faire ça avec des sources dans d'autres langues, on va faire ça avec de l'archéologie. On va faire ça proprement, on va éditer. Et puis on va se mettre sur notre plan de travail toutes ces pièces. Et puis on va essayer de les attacher les unes aux autres, sans trop forcer, parce qu'on sait comment on peut tricher avec un puzzle, sans trop forcer. Bon. Et puis on va essayer de faire des montages, et puis ces montages, on va essayer de les déplacer les uns avec les autres. On va réunir trois pièces, tiens, c'est la capitale du Ghana. Mais où est-ce qu'elle va sur mon puzzle? Où est-ce qu'elle va? Bon. Et les différentes hypothèses sont intéressantes, parce que selon qu'on met ce petit assemblage de trois pièces dans tel endroit, c'est pas le même paysage. c'est pas les mêmes sociétés qui ont habité ce paysage. C'est pas le même climat, c'est donc pas non plus les mêmes plantes, les mêmes céréales qu'on a mangées à la capitale du Ghana. C'est pas non plus la même géographie, donc c'est pas la même distance que parcouraient les marchands arabes pour aller habiter pendant 40 ans à la capitale du Ghana. Bref. Cette histoire, qui est toujours une histoire problème, qui est toujours une histoire hypothèse, elle est intéressante parce que c'est un jeu, bon, et en même temps, elle nous apprend à chaque fois des choses. C'est une histoire aussi conditionnelle. Hein. Si je mets la capitale à tel endroit, je ne la mets pas ailleurs, mais du coup, se posent d'autres problèmes. Laissez-moi vous donner un exemple très très précis. Al-Bakri, on a entendu le nom de cet auteur arabe dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Un auteur andalou qui a écrit en arabe au 11e siècle. Il nous fait une formidable description du Ghana. C'est grâce à lui qu'on sait qu'au milieu du XIe siècle, c'est à la fois effectivement un empire, une ville, une cité-état qui commande cet empire, et puis le titre d'un souverain. Un souverain païen. Un souverain totalement païen. Hein. Et on apprend que les souverains, quand ils sont morts, on les enterre sous un grand tumulus, avec des morts d'accompagnement, etc. Bon, il n'y a rien de moins musulmans ou de moins chrétiens que ça. Ils sont totalement païens. Il y a un bosquet sacré dans la capitale où des prêtres rendent hommage à des ancêtres ou à des divinités du terroir, etc. Tout ça est formidablement bien décrit, sans a priori idéologique. Enfin, c'est une très très belle description par cet auteur andalou, Al-Bakri, du Ghana. Et puis, un siècle plus tard, entre les deux, on a à peu près rien. Un siècle plus tard, on a une autre description par un autre auteur, Al-Idrissi, le grand géographe arabe du milieu du XIIe siècle, qui lui travaillait pour un roi chrétien à Palerme, en Sicile, pour Roger II, un roi normand. Bon. Et cet auteur, ce second auteur arabe nous fait une description. Et là, rien à voir. Rien à voir. C'est pas la même ville. Il nous dit toujours que à cette ville, qui est la plus importante des villes des Noirs, des villes des Soudanes, se rendent les marchands étrangers. Il nous parle toujours d'un pouvoir absolument formidable, mais c'est pas au même endroit, c'est pas la même ville. Et alors que précédemment, chez Al-Bakri, elle était de toute évidence dans un endroit assez sec, chez Al-Idrissi, elle est au bord d'un fleuve. C'est donc pas la même chose. Donc on a donc deux villes qu'on ne sait pas où placer. On sait que quelque chose s'est déplacé entre les deux. On sait qu'entre-temps, le roi qui était païen est devenu musulman. On sait que beaucoup de choses ont changé. Mais on ne sait pas ce qui n'a pas changé. Est-ce que c'est la même société? Est-ce que ces gens parlent la même langue? Voilà. Qu'est-ce qui a bougé de l'un à l'autre? Et de où à où est-ce que c'est allé? Alors, on peut faire l'hypothèse que la première capitale, celle d'Al-Bakri, elle était sur un site archéologique qui s'appelle Koumbi Salé, qu'on connaît, qui est dans l'extrême sud de la Mauritanie actuelle, tout près de la frontière du Mali. Très bien, on peut faire cette hypothèse-là. Mais alors, elle est où, la deuxième? Mystère. Mystère, et on ne le sait pas. Alors, mystère pour le moment, on ne sait pas, on ne connaît pas de site archéologique correspondant à la capitale d'un grand royaume musulman noir du milieu du XIIe siècle, quelque part sur les bords d'un fleuve qui, a priori, devrait être le fleuve Niger, ou peut-être pas. Bon, ben bref, voilà. Donc on ne sait pas, mais on peut donc changer d'hypothèse aussi, comme sur un puzzle. Mais enfin, ça ne colle pas cette pièce ici. Donc, et si j'essayais ailleurs? Mais si j'essaye ailleurs, ça a d'autres implications, d'autres questions qui se soulèvent à tour de rôle. Voilà. Donc, ça nous apprend à chaque fois des choses. C'est très intéressant. Ça n'interdit pas le récit. Et du reste, j'écris des histoires qui sont des récits. Bon, mais ça nous oblige à accepter un type de récit. Par fragments, par hypothèses, par problèmes en chaîne, aussi sérieux que n'importe quelle série d'histoires, parce que aussi documenté, aussi précis, aussi érudit parfois, aussi exigeant, mais néanmoins qui accepte le jeu au double sens du terme, c'est-à-dire que l'espace où ça bouge et le plaisir. Et le plaisir. Mais il y a de ça, hein, François-Xavier Fauvel, vous êtes historien et cela s'entend. L'attention portée aux documents, aux sources, et sources écrites, hein, Al-Bakri, on l'a cité, sources archéologiques comme une évidence, la géographie a une réelle importance. À vous écouter, nous avons une carte qui se dessine. Et ça... archéologie, géographie, dans le cas de l'Éthiopie, c'est absolument passionnant de voir ce rapport qu'il y a entre des écrits, et déjà c'est une source fascinante, mais on voit bien qu'il y a, et comme tous les écrits, ils peuvent être lus d'une autre manière et l'archéologie qui, elle, alors, doit être étudiée, mais enrichissent et parfois contredisent les écrits. Oui, absolument. Alors, d'abord pour que, là aussi, les auditeurs et les auditrices aient une vision claire de ce que nous faisons comme métier historien. Historien, c'est simplement s'intéresser au passé. Bon, c'est rien de plus que ça. N'importe quelle personne qui s'intéresse au passé est historienne. Bon. Et que faisons-nous quand on est archéologue ? On fait de l'édition de documents. C'est pas un document écrit, c'est un document matériel. Bon. Et on édite ce document matériel, qu'il s'agisse d'une poterie, qu'il s'agisse d'un ossement, qu'il s'agisse d'une ville, qu'il s'agisse d'un mur, qu'il s'agisse d'un trou de poteau, on édite ce document-là en même temps qu'on édite les gestes que nous avons accomplis en tant qu'archéologue pour le mettre au jour. Bon. C'est ça le métier d'archéologue, c'est un métier d'édition de documents. On fait ce métier-là. Et on le fait de plein d'autres façons. On peut le faire avec des sources écrites, on peut le faire avec des sources orales, ça s'édite de la même façon. On peut le faire avec des gènes d'animaux ou de plantes, on peut le faire avec des langues, etc. On édite des documents. Donc oui, vous avez raison, la part d'érudition dans le métier d'historienne de l'Afrique, elle existe. Enfin, je veux dire, elle existe. Et nous passons toutes et tous, moi aussi bien que les invités que vous allez recevoir dans le reste de la semaine, nous faisons ce boulot-là, l'essentiel du temps. Nous produisons des données que nous faisons circuler à quelques dizaines d'exemplaires, quelques centaines d'exemplaires, pour que ce soit disponible pour les prochains siècles sur les rayons des bibliothèques. On fait ce travail-là d'édition de documents. Et puis parfois, quand c'est fait, on passe au récit. Bon. On passe au récit et on essaye de nouveaux scénarios historiques, on essaie de reconstituer à la lumière des documents que nous avons édités, de nouveaux scénarios possibles du passé. Et parmi ces nouveaux scénarios possibles du passé, effectivement, il y a ceux qui s'inscrivent dans des géographies que l'on comprend mieux. Et les géographies en Afrique sont souvent beaucoup plus exigeantes que les géographies d'autres régions du monde. C'est aussi, pour revenir à la première question que vous m'avez posée, l'une des singularités de l'histoire en Afrique. C'est que la géographie y est beaucoup plus accidentée que dans beaucoup d'autres régions du monde. Pour prendre un exemple. Pour nous projeter 10 000 ans en arrière, au moment où dans le reste du vieux monde, l'Eurasie, l'Europe et l'Asie, le néolithique se met à circuler, des gens partent du croissant fertile et puis avec un paquet de céréales et d'animaux, ils se mettent à parcourir des centaines et des milliers de kilomètres en transportant leur paquet. Et leur paquet est à peu près intègre à l'autre bout. Les chèvres, vaches, moutons, porcs, blé et quelques autres céréales et quelques autres pois, etc. circulent et ça change pas trop. Bon, mais en Afrique, c'est impossible. En Afrique, vous faites 100 kilomètres ou 50 ou 200 et puis vous êtes obligé de changer un ingrédient de votre paquet. Parce que vous ne pouvez pas passer de la steppe au désert avec des vaches. Vous ne pouvez pas passer d'une plaine alluviale comme le Nil ou le Niger où vous avez des vaches et des céréales à un piémont de montagne ou à 1500 mètres où vous ne pouvez plus cultiver les mêmes céréales. L'Éthiopie, de ce point de vue-là, est absolument remarquable. Parce qu'il y a un accident géographique tous les 50 kilomètres. Mais grave accident géographique. En altitude, en système de précipitation, en nature des sols, et par conséquent, les sociétés en face de ces accidents de la géographie font des choix absolument drastiques, consistant à se séparer d'une partie du paquet avec lequel elles sont arrivées, pour pouvoir se rendre mobile et se déplacer de 50 kilomètres dans un autre environnement, ou pour pouvoir descendre 1000 mètres dans un étage altitudinal, ou pour pouvoir passer d'une savane arbustive à la forêt équatoriale. Voilà. Et change quelque chose. Elles s'enlèvent quelque chose, et puis elles adoptent autre chose, et puis elles domestiquent un nouveau paysage. Voilà. Et en faisant ça, elles fabriquent de la diversité. Et elle fabrique aussi autre chose qui est très intéressant, c'est de la complémentarité les unes avec les autres. Et parce qu'en bougeant, parce qu'en s'adaptant à de nouveaux terroirs ou à de nouveaux environnements, on se contraint soi-même en tant que société à coopérer avec des voisins plus ou moins distants. Voilà. D'où, effectivement, cette géographie humaine formidablement diverse en Afrique, qui n'est qu'une seule chose, elle n'est que le produit de l'histoire, et elle fabrique en même temps de la symbiose économique, de la collaboration à proximité ou à très longue distance, y compris avec d'autres sociétés africaines ou avec d'autres sociétés extérieures à l'Afrique. Oui, parce que l'histoire de l'Afrique, nous l'avons dit, n'est pas simplement l'histoire de l'Afrique, c'est une histoire qui est en communication avec tant et tant d'histoires. François-Xavier Fauvel, bien sûr, il est possible de faire de l'histoire en bibliothèque, en piochant dans tous les documents, les recueils que vous avez cités, mais pour l'histoire de l'Afrique, je sens combien il est nécessaire d'aller sur le terrain. Vous êtes archéologue, mais il n'est même pas utile presque de creuser dans une première étape. C'est de ressentir, de regarder, peut-être de s'asseoir et d'essayer de comprendre simplement. Oui, alors de toute façon, on peut toujours. Enfin, je n'ai aucun dédain pour les historiens qui travaillent en bibliothèque. C'est absolument nécessaire. Une partie de notre travail s'y fait, donc c'est tout à fait normal. Mais pour comprendre le passé des sociétés africaines, il reste tant et tant à faire, tant et tant de documents à produire, à exhumer, à construire, à éditer, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et en particulier, il y a un potentiel absolument exceptionnel de choses encore à découvrir qui sont sous la mangrove, qui sont dans la savane arbustive, qui n'ont pas encore été trouvées, qui n'ont pas encore été fouillées, qui n'ont pas encore été éditées comme des documents. Donc beaucoup reste à faire. Et pour en revenir à ces capitales disparues, il n'y a pas seulement la Ghana 2 de Ali Drissi, il y en a beaucoup d'autres, des villes citées par des auteurs arabes dont on n'a pas la plus petite idée de où elles étaient situées. Bon. Donc il y a beaucoup de choses à trouver. Et à chaque fois qu'on va trouver un de ces sites archéologiques, c'est une nouvelle pièce sur un puzzle très, très clairsemé, dont on n'a pas toutes les pièces, c'est une nouvelle pièce qui s'ajoute, mais chaque nouvelle pièce qui s'ajoute redémultiplie complètement les possibilités. Vous pouvez essayer de l'accrocher à plein d'autres, cette nouvelle pièce, et puis vous pouvez trouver un petit assemblage. Ce petit assemblage va venir se caler au parfait endroit, là où ça va bien. Il suffit de trouver parfois un site archéologique, deux, trois, et vous pouvez enfin répondre à une très vieille question. Ça nous est arrivé, moi et mes collègues, en Éthiopie, de découvrir une ville musulmane, et de croire qu'il s'agissait de la capitale du royaume de l'Ifat. Et puis grosse découverte. Et puis le lendemain, de découvrir une deuxième ville musulmane qui, du coup, ne nous rend plus tout à fait sûr que celle de la veille était bien la capitale. Mais du coup, on a deux villes là où on ne s'y attendait pas. Et puis d'en découvrir une troisième, et puis encore une autre. Et puis cette autre-là, on y découvre des inscriptions arabes appartenant à une famille de sultans, voilà, du 14e, 15e siècle, dont on est sûr, voilà, qu'ils habitaient une capitale qui est décrite par des sources arabes. Donc cette fois-ci, oui, on la tient, la capitale. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elle n'est pas du tout à l'endroit où on s'attendait. Et par conséquent, en nous permettant de réunir plusieurs pièces les unes avec les autres et de poser la pièce, cet assemblage de pièces à un endroit, tout à coup nous comprenons beaucoup mieux la géographie dans laquelle nous nous promenions depuis des années et des années et des années. Et nous comprenons aussi beaucoup mieux la géographie perçue par ces sociétés de l'époque, qui ont fait quelque chose auquel nous ne nous attendions pas, qui ont placé leur capitale dans un endroit qui ne va pas du tout. Dans un endroit où c'est pas du tout logique de mettre une capitale. En l'occurrence, dans l'escarpement du haut plateau, du Rif, dans les pentes, dans cette espèce de mur vertical, voilà, qui sépare les basses terres des hautes terres. Bon. Le Rift, c'est un mur, le Rift, hein. C'est un mur de 2000 mètres. Bon. Et au milieu de ce mur de 2000 mètres, dans les pentes, dans un endroit extrêmement ingrat, à dominer, bon, là, des musulmans d'Éthiopie au 13e, 14e, 15e siècle ont installé leur capitale. Mais qu'allait-il installer leur capitale là? Bon. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui change tout, c'est ça qui nous déjoue. Parce que c'est pas là qu'on allait chercher, mais c'est là qu'on les trouve. Et du coup, ça nous oblige à essayer de comprendre, mais pourquoi diable font-ils ça? Pourquoi ont-ils fait ça? Ça donne envie de savoir, parce que c'est vrai qu'il y a le constat, déjà la découverte de l'endroit du site, pas évident. Mais alors, l'explication, François-Xavier Fauvel, elle est difficile, là. Bon, énormément d'hypothèses, vous avez des pistes, parce que ça donne envie de savoir. Évidemment, ça change tout, mais et c'est très intéressant. En l'occurrence, pourquoi se mettre là, alors que c'est environnementalement un non-sens, et alors que, surtout, ça vous place à 25 ou 30 ou 40 kilomètres des chrétiens qui sont sur le haut plateau. C'est pas là qu'on se met quand on est censé être un état ennemi. C'est pas là qu'on se met quand on est musulman au Moyen-Âge. Bon. Et pourtant, c'est là qu'on se met lorsque ce qu'on recherche, c'est d'être installé sur l'articulation, sur la frontière, sur le seuil. Bon. Parce que être sur un seuil, à condition d'être capable de dominer, de contrôler ce seuil, vous donne un très très gros avantage. C'est que c'est vous qui décidez qui entre et qui sort par la porte. C'est vous qui vous mettez en capacité d'être tout simplement l'agent des circulations commerciales. C'est ce que cherchaient ces sociétés musulmanes du Moyen-Âge en Éthiopie. C'est ce que cherchaient d'ailleurs aussi les souverains et les élites païennes d'abord et musulmanes ensuite du royaume du Ghana, en allant s'installer au Sahel, dans le sud du Sahel, dans un endroit désertique aujourd'hui. Hein. Personne n'y mettrait une capitale aujourd'hui, ce serait un non-sens absolu. Mais au Moyen-Âge, lorsque ce qu'on va chercher, c'est cette capacité à maîtriser les seuils, à être le gardien des seuils, à pouvoir profiter à son avantage des connexions commerciales à très très longue distance, c'est là qu'on a intérêt à se mettre. C'est beaucoup plus risqué. C'est beaucoup plus compliqué en termes de logistique, ça a beaucoup de désavantages matériels, c'est un non-sens environnemental, mais commercialement et politiquement, c'est tout bénef. Voilà. Et c'est ça qui continue d'entraver notre travail, parce que ces sociétés du Moyen-Âge et leur agentivité continuent de nous dérouter, continuent de nous balader sur le terrain. Et pour revenir à votre question, c'est ça qui rend toujours nécessaire, le terrain. Et le terrain est essentiel. Cette narration, François-Xavier Fauvel, je reprends le titre d'un chapitre de Penser l'histoire de l'Afrique, c'est une histoire optimiste. Et on le sent, c'est cette vigueur qui nous fait du bien. Et pour accompagner vos propos, il fallait une autre vigueur. Mais la barre est haute, c'est Myriam Makeba, Patapata. Éthiopie, mais là nous étions en Afrique du Sud avec Myriam Makeba, Pata Pata en 1967, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, Myriam Makeba, Pata Pata, qui montre bien que l'histoire de l'Afrique est une histoire mondiale, parce que, non mais c'est vrai, nous avons tout de suite un ressenti magnifique, cette vigueur, François-Xavier Fauvel, des études africaines, et quelque chose que vous transmettez, et le fait d'être titulaire d'une chaire au Collège de France consacrée à l'Afrique, symboliquement, c'est très fort, mais c'est surtout aussi l'écho d'une histoire, l'histoire même de cette discipline et d'en penser l'histoire de l'Afrique. Il y a une partie d'égo-histoire. Ce qui est passionnant, vous êtes jeune à l'échelle de cette histoire, mais vous avez vu l'évolution. Oui. Alors d'abord, oui, il faut rappeler que c'est pas une discipline qui sort du chapeau. Hein. Je veux dire que c'est une. Ça fait des décennies qu'il y a des historiens et des historiennes et qu'il y en a en France, qu'il y en a en Grande-Bretagne, qu'il y en a à Dakar, qu'il y en a à Abidjan, qu'il y en a à Johannesburg, qu'il y en a à Addis Abeba. Bon. Et ça fait des décennies qu'il y a une internationale de recherche autour de l'histoire africaine. Donc oui, c'est une, et puis il y a des chaires. Alors moi j'ai la chaire d'histoire, j'ai une nouvelle toute nouvelle chaire d'histoire et d'archéologie de l'Afrique au Collège de France qui donne des responsabilités, enfin qui en même temps conforte. Oui, vous parlez qu'il y a presque une mission. Voilà, enfin parce que c'est la première fois que l'histoire de l'Afrique arrive au Collège de France. Donc c'est pas rien. Et c'est pas rien, c'est écouté, c'est suivi, et effectivement ça donne effectivement des responsabilités, en sachant aussi que voilà que ça conforte un peu partout sur Terre et en France le métier de celles et ceux qui font ça, qui font ce travail-là, et exigeant, pas facile, et en même temps réjouissant. Bon, donc c'est intéressant, et puis pour celles et ceux que ça intéresse parmi vos auditrices et auditeurs, ben il y a des universités hein, où vous-même et vos enfants pouvez faire de l'histoire de l'Afrique. Enfin, je veux dire, voilà, à Marseille, Aix, à Paris 1, à Paris 7, à Rennes, à Lyon, on peut apprendre de l'histoire de l'Afrique. Mais vous êtes héritier donc de cette histoire, c'est logique, avec des décennies d'historiens, d'historiennes qui ont travaillé, mais vous êtes héritier aussi de cette, j'ai envie d'appeler ça, l'anti-histoire de l'Afrique, de cette négation de l'histoire de l'Afrique. Et on vous écoute, François-Xavier Fauvel, et on saisit la vivacité de ces études africaines quand vous nous parlez du Ghana, quand vous nous parlez de l'Éthiopie, cette recherche en continu. Et pour faire saisir à ceux, à celles qui nous écoutent, le parcours qui a été accompli, petit tour en 1965 avec l'écrivain Henri de Montfred. Quand les Européens sont arrivés pour coloniser, ils ont commencé à avoir des hôpitaux, des médecins, des conseils d'hygiène, on a soigné les gosses pour qu'ils ne crèvent pas, etc. On a fait cesser les guerres d'intestine, et le résultat, c'est que la population s'est accrue dans des proportions terribles. Il n'était plus en équilibre avec cette nature d'un pays stérile, où il n'y a aucune culture, et n'est même pas possible dans bien des endroits. Et serait-elle possible, ils n'ont pas le goût d'y travailler. Ils préfèrent recevoir de la nature ce qui est donné, tout simplement, les fruits qui sont sur les arbres. Mais maintenant, non seulement on a augmenté le nombre de ses habitants, sans leur donner des facultés de travail, mais on leur a donné des besoins qu'ils n'avaient pas. Avant, ils n'en avaient pas de besoins. Leur vie était extrêmement simple. Et dans certains endroits, il y en a qui vous disent, maintenant, nous sommes obligés de travailler, c'est-à-dire de faire les esclaves. Avant, on pouvait se laisser vivre. Maintenant, nous sommes esclaves. Évidemment, ils sont esclaves de leurs besoins, comme nous tous. Comme nous tous, oui. Dans le bureau des référendus, c'est le titre de l'émission 1965, Henri de Montfred, un auteur, un romancier, c'est formidable à lire, c'est l'aventure, il y a quelque chose. Mais il est ici héritier, c'est un homme né à la fin du 19e siècle, d'une vision très particulière de l'Afrique. Bah, appelons ça par son nom, c'est pas la peine d'euphémiser, héritier d'une idéologie coloniale, voilà, odieuse et sans scrupules. Voilà, donc oui, tout à fait. Et qui elle aussi a une histoire. Enfin, qu'il faut toujours se remémorer. Vous avez raison de dire qu'il faut quand même toujours se souvenir de où on vient. Et on vient de ça, c'est-à-dire que nos sociétés contemporaines, où qu'elles soient, viennent de ça. Bon, viennent de ce passif colonial et viennent de cette très très vieille idéologie qui voit les Africaines et les Africains, les sociétés du continent africain comme des sociétés passives devant la nature, lascives devant leurs besoins, incapables d'adaptation, etc. Bon, c'est une vieille idéologie dont on peut retracer l'histoire, qui remonte à des siècles, qui s'est formé à l'époque moderne, qui s'est formé au moment des voyages européens vers l'Afrique, qui s'est formé au moment de ces voyages de traite esclavagiste pendant les 16e, 17e, 18e siècle, et qui a servi de renfort idéologique à tout le système de traite esclavagiste. Bon. C'est un système de pensée qui permet qui offre une garantie, voilà, qui est ce côté inepte, inefficace des Africains et des Africaines qui en quelque sorte n'attendent que d'être rendus en esclavage. Voilà. Et c'est ça ce discours ignoble, voilà, qui a continué de percoler jusqu'à aujourd'hui et qui peut même prendre des tours aujourd'hui, voilà, tout à fait a priori tout à fait bienveillant et sympathique. Enfin, je veux dire, pensez à ce que c'est qu'un musée d'ethnographie. Enfin, je veux dire, c'est avec des objets qui sont dans des vitrines, des étiquettes ethniques, voilà, qui sont là pour nous donner l'impression que les sociétés africaines sont divisées en tout petits groupes qu'on appellera des ethnies, et que ces petits groupes sont sertis dans leur environnement comme des bijoux dans un écrin, qu'elles y sont depuis toujours, qu'elles sont unanimes. Il n'y a pas d'individu là-dedans, hein. Il y a une espèce d'unanimité sociale, chacun parlant sa petite langue incompréhensible aux autres, et puis tout le monde, voilà, et puis les hommes et les femmes se contentant de cueillir les fruits dans les arbres parce que c'est là qu'ils vivent. Voilà, donc c'est une partie du discours public, voilà, disponible sur l'Afrique aujourd'hui continue d'être celui-là, voilà. Mais bon, les choses changent. Enfin, on est là pour les faire changer d'abord, et puis les choses changent. Ah oui, ça évolue nettement, et on le voit bien, tant le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, toute cette réflexion. François-Xavier Fauvel, quand vous évoquez cet anonymat, il est passionnant cet anonymat, et notamment quand il est question des arts africains, les masques. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un travail absolument remarquable qui est fait pour redonner un nom. Alors, aux artistes, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot artiste, mais sans doute, absolument, parce que c'est quelqu'un qui a créé quelque chose, et on arrive à retrouver, on n'a peut-être pas toujours un nom, mais ça arrive parfois, au moins, le maître de tel village ou de tel visage. Oui, et puis de la retrouver de l'individualité, voilà, retrouver de la singularité, retrouver de la divergence, retrouver ce qui frotte, retrouver les accidents de l'histoire, etc. Bon. Retrouver, en fait, quelque chose qu'on peut appeler tout simplement de l'agentivité. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui, dans certains quartiers de notre vie politique, n'aiment pas ce mot, mais c'est pourtant le nom que ça porte, de l'agentivité. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement passif devant ce qui nous arrive. Voilà, on est inventif, on s'adapte, on diverge, on construit, on élabore, on fabrique de la civilisation, on fabrique de la culture, on se distingue, on coopère, on collabore, on échange. Voilà, et c'est ce que font les sociétés africaines comme n'importe quelle autre sur Terre. Et tous les historiens, les historiennes de l'Afrique disposent de plus en plus de documents pour écrire cette histoire-là. C'est ça qui est au cœur, en fait, de cette réflexion. Mais quand vous dites, François-Xavier Fauvel, que demeure dans les esprits l'idée que l'Afrique n'a pas d'histoire, et évidemment, ici, il y a l'évocation d'un célèbre discours du président Nicolas Sarkozy à Dakar, ce discours qui dit que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'était en 2007. Fait toujours un écho à tout ce qu'on a dit, hein. C'est vraiment cet héritage du 19e siècle. Dans Penser l'histoire de l'Afrique, vous soulignez combien il y a un combat à mener, parce que toutes ces études que l'on évoque, ceux qui attribuent des noms d'artistes aux créateurs de masques, ceux qui écrivent l'histoire ou qui retrouvent la capitale du Ghana, après, faut diffuser l'information. Oui, ça, c'est dur. Oui, tout à fait. C'est effectivement une lutte. C'est-à-dire que être historienne ou historien de l'Afrique, c'est une lutte pour non seulement le métier qu'on fait, dans des conditions parfois pas faciles, et je pense là en particulier aux collègues qui sont dans des pays africains et dans des pays sujets à des troubles, à des coups d'État ou à des guerres civiles, etc. Et je pense vraiment très très précisément là aussi bien au Mali qu'à l'Éthiopie. C'est plus dur pour eux et elles que pour moi, voilà, mais ça nous entrave tous dans notre travail et dans notre responsabilité qui est de continuer à former des gens, qui est de continuer à rendre public des savoirs, qui est de continuer à élaborer des savoirs. Ça nous entrave, mais de toute façon, toujours, et même si les conditions étaient faciles, ce qu'elles ne sont pas, de toute façon, toujours, ça resterait une lutte qui est non seulement de produire ces savoirs, mais de lutter dans nos sociétés respectives pour que ces savoirs soient audibles. Et ce que n'ont pas à faire la plupart des autres historiennes et historiens. On ne demande On ne demande jamais à un spécialiste des États-Unis contemporains d'où il parle et quelle est sa légitimité à être historien de cette région-là du monde, et si vraiment les États-Unis ont une histoire, est-ce qu'on en est sûr? Alors, on ne se pose pas ce genre de questions, on ne lui pose pas ce genre de questions. Quand on est historien de l'Afrique, on la lui pose ou on le lui pose tout le temps. Il faut donc toujours nous justifier. J'espère que voilà, être au Collège de France permet de ne plus avoir à trop le faire, et puis permet à d'autres de ne plus avoir à trop le faire non plus. Oui, parce qu'on sent que c'est une histoire politique, une histoire, nous l'avons dit, politique au sens où ce long discours issu de la colonisation a gommé l'histoire de l'Afrique, et puis la colonisation a offert des nations en Afrique, sacré cadeau, mais il y a aussi une histoire nationale qui rend difficile d'écrire l'histoire de l'Afrique. François-Xavier Fauvel, Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain, c'est cet ouvrage couronné par le Grand Prix du livre d'histoire à Blois qui a été sacrément remarqué, et c'est mérité. Ce rhinocéros d'or, c'était aussi raconter une histoire que peuvent s'approprier ces pays ou ces peuples africains, ou même ces individus, tout simplement. Bien sûr, et non seulement en Afrique, mais aussi tous les afro-descendants et afro-descendantes partout. Voilà. Et le livre est traduit dans une dizaine de langues, notamment voilà, donc notamment en anglais. Donc ça lui a offert évidemment une très très grande diffusion. Mais je le sais aussi parce que plein de lectrices et de lecteurs m'écrivent. Je sais aussi qu'il a été énormément lu par des Français d'origine africaine et que là ça touche. Donc bon, et c'est aussi politique dans ce sens-là, politique dans le sens très très noble, tout simplement de rendre un service à la cité qui permet effectivement à beaucoup d'entre nous voilà, de se réapproprier une part d'un passé qui n'est pas assez disponible dans les enseignements scolaires, qui n'est pas assez disponible dans les enseignements universitaires, qui n'est pas assez disponible dans les médias, à votre exception notable, qui n'est pas disponible non plus, mais c'est surtout ça qu'il faut arriver à comprendre, dans la conversation commune, dans les références communes. Vous voyez, à table, au dîner, on mobilise des savoirs qui viennent de différents endroits, de l'école, etc., de ce qu'on lit, de ce qui est disponible dans l'espace public. Mais le royaume du Mali n'est pas disponible dans l'espace public, enfin pas assez, pas encore. Les chrétiens d'Éthiopie ne sont pas encore assez disponibles, pas encore suffisamment mobilisables, voilà, dans les références communes qu'on se partage, qu'on se jette à la figure, qu'on se donne comme argument, voilà, avec lesquels on construit de l'argumentaire. C'est pas encore suffisamment là. Donc c'est notre lutte que de le faire. Toute cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire de l'Afrique ancienne, formidable. Mais cette histoire de l'Afrique ancienne ne doit pas être segmentée. Et c'est en cela que penser l'histoire de l'Afrique est intéressante réflexion. C'est de dire que il faut parler de l'Afrique sans cesse. Ce n'est pas simplement parler de l'Afrique au moment où l'on parle de l'Afrique pour parler uniquement de l'Afrique. C'est au moment de faire de l'histoire d'une période, par exemple, prendre en compte le Moyen-Âge africain. C'est ce Absolument. Jeu-là. Mais vous dites quand même, François-Xavier Fauvel, dans votre ouvrage, là, qu'il y a des revues académiques qui peuvent refuser un article sur l'Éthiopie parce que plusieurs années plus tôt, 5 ans plus tôt, il y a eu un autre article, mais sur la Namibie. Oui. Ça les gêne pas. Mais bien sûr. c'est ce sentiment, vous savez, c'est ce sentiment que tout a déjà été dit sur l'histoire de l'Afrique, ou qu'on a déjà entendu un truc sur la Namibie et que par conséquent, ça rend inutile d'écouter un autre truc sur l'Éthiopie, ou ce sentiment qu'on a déjà lu il y a 30 entendre une histoire, je sais pas, du Mali, et que par conséquent c'est totalement inutile de lire, comme si rien ne s'était passé, comme si un savoir sur le passé d'une société africaine était en quelque sorte déjà, enfin pas sujet à des mises à jour, pas sujet à la recherche, pas sujet à des découvertes. Voilà. C'est cette même conception de l'histoire comme figée, comme déjà connue, comme déjà sue. Bon. Et c'est ce qu'on est toujours obligé d'essayer de bousculer. Bon, on est obligé. Et parce que oui, c'est un domaine qui est formidablement mouvant. Voilà. Il y a énormément de découvertes qui ont eu lieu. De documents écrits, de documents archéologiques, de documents autres dans les domaines de l'histoire de l'Afrique. Ça n'est pas du tout la même chose qu'on peut raconter aujourd'hui, qu'on pouvait raconter il y a encore 20 ans. Il y a énormément de neuf. Bon. Donc ça, donc oui, voilà, oui, lisez. Et puis en plus, en ce moment, des livres sortent sur le sujet. Oui, il y en a énormément, mais c'est vrai que ce cheminement intellectuel pour certains de nier une histoire à l'Afrique, en disant « Oh, l'Afrique n'a pas d'histoire », aujourd'hui, ce n'est plus tenable comme discours. Donc, le cheminement intellectuel le fait dire « Bon, bah, c'est bon, on l'a dit, l'histoire de l'Afrique, elle est faite, et puis on s'arrête là », alors que non, et François-Xavier Fauvel, vous insistez, vous avez raison, cette histoire de l'Afrique, elle est optimiste. Je reprends ce mot de votre ouvrage, parce qu'elle n'est pas optimiste juste pour dire « Nous allons maintenant comprendre l'histoire de l'Afrique, ah, bah, ça, on va savoir où était la capitale du Ghana ». Non, c'est optimiste aussi pour nous, ce va-et-vient constant avec une histoire européenne qui a longtemps été très centrée sur l'Europe. Oui, absolument. C'est une histoire optimiste à plein d'égards. C'est une histoire parce que c'est une histoire qui découvre des choses. C'est une histoire qui fait le pari sur le fait qu'on découvrira des choses. Et on va les découvrir, ces choses-là. Il reste tant à comprendre. Il reste tellement de textes. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas d'écrit en Afrique. Mais non. Il reste des milliers de manuscrits. Il reste tant et tant et tant de sites archéologiques enfouis, des villes. Bon. Et donc beaucoup de choses restent à découvrir. À chaque fois qu'on découvrira, à chaque fois, ça changera tout. Bon. Et donc c'est effectivement une histoire documentairement formidablement optimiste. Heuristiquement, j'emploie un gros mot, mais ça veut dire que ça change la compréhension à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau. Bon, et c'est formidablement optimiste aussi. Et puis, c'est citoyennement, politiquement optimiste aussi. Parce que à chaque fois que nous comprenons mieux quelque chose qui s'est passé au Mali du XIVe siècle, à chaque fois nous comprenons mieux n'importe quoi qui s'est passé ailleurs dans le monde au XIVe siècle. Les grandes connexions marchandes, les relations entre marchands et élites politiques, la relation entre contrôle des territoires et articulation du monde médiéval. Tout ça, nous le comprenons mieux à chaque fois que nous comprenons mieux quelque chose qui s'est passé en Afrique. C'est ce qui permet de rappeler que nos ancêtres européens du XIVe siècle n'auraient sans doute pas dit qu'il n'y avait pas d'histoire africaine bien au-delà. Ils avaient, cette conception d'empire, de royaume. Absolument. Merci beaucoup François-Xavier Fauvel. Alors je rappelle, Penser l'histoire de l'Afrique, c'est une super lecture, CNRS édition. Et voilà, c'est surtout, comme vous le disiez, une mission que portent les historiens, les historiennes de l'Afrique, mais pour toute l'histoire, pour remplir bien la mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, celui qui reprend le flambeau pour porter la mission, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi la découverte de l'écriture a changé le cours de l'histoire? Parmi les nombreux exemples de collaborations interdisciplinaires qui ont permis à la recherche historique de progresser depuis les années 1960-70, j'évoquerai aujourd'hui les travaux de l'anthropologue britannique Jack Goody, car ils ont permis de mieux comprendre le rôle que la culture écrite avait joué dans l'histoire de l'humanité. De 1950 à 1952, il a vécu au sein de la tribu Lo-Daga du Ghana afin d'étudier la façon dont se transmettait la mémoire dans cette société sans écriture. Il a centré sa recherche sur le mythe du Bagré, un long poème de 12 000 vers relatant la création de l'homme, ses relations avec les êtres qui l'entourent et avec ses dieux. Goody en a conclu qu'en l'absence d'une version originale du mythe qui aurait permis de l'étudier comme un texte, sa transmission orale permettait de produire à chaque fois un récit inédit sur la même histoire. Cette dimension créative de la culture orale africaine lui a servi d'hypothèse pour étudier ensuite le rôle qu'avait joué l'écriture dans l'histoire des différentes cultures humaines. En s'appuyant sur de très nombreux exemples tirés de l'Antiquité gréco-romaine, de l'Égypte ancienne, de l'Assyrie, de la Chine et du Ghana, Jack Goody a défendu une thèse iconoclaste pour la classe cultivée de son temps. Il a affirmé en effet qu'on avait surestimé l'importance des œuvres littéraires dans la diffusion de la culture écrite. Il a montré que des représentations graphiques simples, comme le tableau, la liste, la formule ou la recette, avaient été des instruments essentiels grâce auxquels les hommes étaient parvenus à domestiquer la pensée sauvage. L'efficacité pratique de ces formes graphiques, selon Jack Goody, c'est qu'elles disposent les termes qu'elles retiennent en rangées et en colonnes, c'est-à-dire dans un ordre à la fois hiérarchisé et linéaire, ce qui permet d'assigner à chaque élément une position unique par rapport aux autres. Depuis la naissance de l'écriture, il y a près de 5000 ans, le développement constant de ce mode de communication a permis une extension incessante des liens à distance reliant les hommes entre eux, ce qui a eu des conséquences immenses dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'économie, la religion, l'administration ou le droit. La diffusion de l'écriture a aussi joué un rôle essentiel dans le processus d'universalisation de la pensée. Quand elles sont écrites, les mêmes règles peuvent être appliquées dans des lieux extrêmement éloignés l'un de l'autre. Et c'est aussi grâce à l'écriture que la communication entre les hommes a pu vraiment s'affranchir de la barrière du temps et alimenter les fonds d'archives qu'étudient aujourd'hui les historiens. Jack Goody a poussé son analyse jusqu'à affirmer que l'écriture n'était pas un simple enregistrement phonographique de la parole. Il a montré comment sa diffusion avait bouleversé les cultures traditionnelles en exerçant de profonds effets sur le langage parlé. L'une des premières fonctions de l'institution scolaire a été d'inculquer aux enfants les règles de la communication écrite que nous avons tous intériorisées aujourd'hui, même quand nous nous efforçons de ne pas parler comme un livre. Merci beaucoup Gérard Noiriel pour ce pourquoi du comment. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Margot Vielle et Shirley Adélaïde. Une émission préparée, programmée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.